بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 80 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on continue dans le livre, on est arrivé à un endroit où le Cheikh il explique, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit wa qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ila qawlihi ya'iduhum wa yumannihim وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a cité des versets dans Surat al-Nisa, en commençant par le verset 116, qui est un verset extrêmement important pour comprendre la foi et le tawhid et la définition du shirk et le danger du shirk. Donc le verset 116, il a lu jusqu'au verset 120, mais il a résumé en fait, il a coupé à partir du verset 116, puis il a complété la fin du verset 120, hein, et il a dit donc de tel verset jusqu'à l'autre verset, il a pas cité qu'est-ce qui était entre les deux. Mais nous on va les lire ensemble, inshallah, on va lire tous les versets que le cheikh a voulu mentionner. Donc, des fois, les ulama, ils font ça. Des fois, ils vont citer, par exemple, ils veulent énumérer plusieurs versets, mais étant donné qu'ils veulent sauver de l'espace et du temps, donc ils vont citer, par exemple, seulement le début du verset et la fin du dernier verset qu'ils veulent, de la série des versets qu'ils veulent mentionner, pour que les gens puissent aller se vérifier ou se référer eux-mêmes au verset en question, ou s'ils les connaissent déjà, hein, qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit. Donc ici maintenant, le cheikh il cite ces versets. « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. » إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés dans cette série de versets. On va lire maintenant la signification de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 116, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui. À part de cela, c'est-à-dire à part du shirk, il pardonne à qui il veut tout péché qui est moindre. Hein? Et ici, c'est pour ça que j'ai pas compris comment parfois et la traduction ici dans la traduction qu'ils ont fait, si je la lis telle quelle, qu'est-ce qui est écrit, c'est certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Cette traduction là, d'après ce que je vois, il y a quelque chose qui est manquant. Il y a quelque chose qui est pas clair. Donc cette traduction, elle semble incorrecte à première vue. Pourquoi? Parce que le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, qu'on adore d'autres que lui, ou qu'on lui attribue des partenaires dans l'adoration, des choses comme ça. Mais il dit, mais à part de cela, il pardonne à qui il veut. Mais on n'a pas le sens madouna dhalika, hein, madouna dhalik. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire madouna dhalik? Madouna dhalik, ça veut dire qu'est-ce qui est en dessous de ça. Donc il pardonne à qui il veut, oui, mais il pardonne quoi à qui il veut? Il pardonne à qui il veut ce qui est en dessous du shirk. Hein? Et ça, c'est pas traduit. Ça, ils l'ont pas mentionné dans la traduction. C'est ça qui est dommage, en fait. Parce que c'est ça qui donne au verset toute sa signification et tout son sens. Et qui montre en réalité le danger du shirk. C'est-à-dire que dans tous les péchés que les gens peuvent commettre, le seul que Allah ne pardonne pas si quelqu'un meurt, hein, de ce péché sans se repentir, c'est le shirk billah. Et il dit, et quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est égaré d'un égarement lointain. Le verset ensuite, le verset suivant, 117, ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit, c'est-à-dire le diable. Celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai, ils fendront les oreilles et, aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que de promesses trompeuses. Donc ça, c'est les versets que le cheikh il a mentionné ici. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan, il explique ici dans ces versets-là la signification. Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ash-shirk ma yughfar illa bit-tawbati wad-dukhul fi l'islam. Bi khilaf adh-dhunub allati dun ash-shirk. Fa innaha raji'atun ila al-maghfirah. Na'am. Donc le cheikh il dit, certes, il mentionne le verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse de shirk avec lui. Donc il dit, le shirk, il ne peut être pardonné que par la repentance et le fait de rentrer dans l'islam. Et il dit, contrairement aux autres péchés qui sont en dessous du shirk ou moindres que le shirk, alors celles-ci, elles sont rattachées ou elles retournent au pardon d'Allah. Elles reviennent au pardon d'Allah. Il dit يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني من الذنوب التي دون الشرك. Et il pardonne tout ce qui est en dessous ou tout ce qui est moindre que le shirk à qui il veut. Hein, parmi les péchés qui sont moindres que le shirk. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. يعني et dans la suite du verset Allah subhanahu wa ta'ala dit parce qu'il y a deux versets dans sourate Al-Imran, dans sourate An-Nisa qui mentionne Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Il y a le verset 116 et le verset 48. Et dans le verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après avoir dit qu'il ne pardonne pas que quelqu'un fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Il dit, donc ça veut dire que Allah peut pardonner n'importe quel autre péché qui est moindre que le shirk. Et la suite du verset dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, ça dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. C'est-à-dire quiconque fait du shirk avec Allah a certes inventé un péché immense. Et dans ce verset, le verset 116, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant que وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quiconque fait le shirk avec Allah s'est égaré d'un égarement lointain. Il dit فالله أخبر عن هؤلاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذي إن يدعون من دونه إلا إناثا إنهم لأنهم يقولون الملائكة بنات الله فهم يعبدون الإناث بزعمهم وأيضا أسماء الأصنام كلها إناث اللات والعزة منات أسماء إناث كلها إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا فهذا مآلهم والعياذ بالله لما تركوا القرآن وتركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا مع أفكارهم وعقولهم تولاهم الشيطان يسول لهم ويملي لهم ويزن لهم الأمور ويزن لهم يعني يزين لهم الأمور فصار مآلهم هذا المآل القبيح هؤلاء أولياء الشيطان انظروا أين ينتهون هذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الدنيا والآخرة فكيف يقال إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سواء ليسوا سواء donc le sheikh explique la suite du verset il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ils ne font invoquer en dehors d'Allah que des femelles parce que quand tu regardes par exemple le sheikh il dit Ils disent que les anges sont des filles d'Allah et ils adorent des femelles hein, selon leurs prétentions parce que tous les idoles, toutes les idoles qu'ils adorent, si tu regardes le nom qu'ils donnent à leurs idoles, c'est des noms de femelles. Hein, Al-Lat, c'est féminin. Al-Uzza, c'est féminin. Al-Manat, hein, Manat, c'est féminin. Tout ça, c'est des noms féminins. Donc, ça veut dire que leur divinité, les divinités qu'ils adorent, c'est des femelles. Hein? Et il dit, il y a d'una min dunihi. Donc, il n'évoque en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, que des femelles. Et il n'adore, et il n'invoque que un shaitan. Hein? Il n'adore qu'un shaitan marida. Hein? Un shaitan qui est acharné. Il n'évoque que le shaitan, un rebelle. Et il dit, Allah l'a maudit. C'est-à-dire, Allah a maudit le shaitan. Et lui, le shaitan, pour se venger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hein, je vais prendre parmi tes serviteurs une partie bien déterminée. Il dit, et je ne manquerai pas de les égarer, et je leur donnerai des faux espoirs, et je les leur commanderai. Ils vont fendre les oreilles des animaux. Hein, comme qu'est-ce qu'ils font avec les animaux, comme pour montrer que certains animaux sont pour leurs idoles, ils leur fendent les oreilles. Hein. Donc ça, c'est des exemples de bid'a et de shirk qu'ils font. Et il dit, je leur commanderai, ils vont changer la création d'Allah. Donc ils changent la création d'Allah sur eux-mêmes et sur les autres. Et il dit, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Et il continue les versets et dit, il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Hein? Donc ça c'est qu'est-ce qui arrive pour les alliés du shaitan. Et il dit ensuite, et quant à ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique que Allah en parole, hein? Donc ça, il dit le cheikh, c'est pour expliquer la destination, hein, et le sort des gens qui sont des alliés d'Allah et des gens qui sont des alliés du shaitan. Auparavant, il a expliqué les alliés du shaitan, et à la fin, il mentionne, hein, la différence avec les croyants qui font des bonnes œuvres et, hein, qui entreront dans des jardins. Donc ça, c'est pour montrer la différence entre les awliyas d'Allah et les awliyas du shaitan. Donc il dit le cheikh que leur destination est ainsi, qu'Allah nous en préserve, parce qu'ils ont délaissé le Coran, ils ont délaissé le messager, et ils ont suivi des idées et des pensées, et ils ont suivi, hein, leur raison dans qu'est-ce qui est faux, et le shaitan les a pris comme alliés, hein, et yani, donc il leur fait il leur donne des faux espoirs, il leur embellit les choses, et c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont comme conclusion et comme résultat, yani, cette fin qui est extrêmement mauvaise et laide. Donc ceux-là sont les alliés du shaitan, et regardez où ils terminent, regardez comment ils finissent, et c'est ça la différence donc entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du shaitan dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors comment pourrait-on dire, hein, que les awliya de Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux qui est Allah, et que les awliya du shaitan sont égaux, hein? Ils ne sont pas égaux. Donc ça, c'est pour réfuter encore une fois les soufis qui prétendent, hein, que leurs cheikhs et leurs awliya sont supérieurs aux prophètes, hein. Donc le cheikh, il donne des exemples de ça, et il dit ensuite, il cite d'autres versets maintenant, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite d'autres versets, il dit وَقَالَ تَعَالَى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc le cheikh, il explique et il dit, hein, Ibrahim, dans sourate Ibrahim, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un dialogue, ou bien plutôt un monologue de la part du shaitan, hein. Dans sourate Ibrahim, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les paroles du shaitan aux kuffar, en fait, à ceux qui ont rejeté la foi, qui ont fait le shirk avec Allah. Comment il va se désavouer d'eux au jour de la résurrection, hein? Subhanallah. Donc il mentionne dans ce verset ce qui signifie, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, c'est-à-dire le shaitan, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai invité, hein, je vous ai appelé, et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, hein, vous ne pouvez pas me blâmer, hein, mais faites-en à vous-même. Ne me faites pas de blâme, hein, blâmez vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. C'est-à-dire, je peux pas vous aider et vous pouvez pas m'aider. Hein? Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, hein, les mushrikines. Yani. Et donc, ici, on voit encore une fois hein, comment la réalité du shaitan, comment il agit avec hein, les hommes. Il les incite au péché et il leur fait des fausses promesses. Et une fois que yani, le jugement descend, il se désavoue d'eux. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, « وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا سَبَقْ أَنَّ غُلَاةَ الصُّوفِيَّ وَالْفَلَاسِفَةِ وَقَعُوا فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ الْإِلْحَادِ وَالْكُفْرِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِمْ لِلرُّسُلِ ها؟ وَلَمَّا خَالَفُوا الرُّسُلِ وَخَالَفُوا الْكُتُبَ الْإِلَهِيَّةِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانِ. Donc, on continue, inshallah. الشيخ دي ولما ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن غلاة الصوفية والفلاسفة وقعوا فيما وقعوا فيه من الإلحاد والكفر وأن ذلك بسبب مخالفتهم للرسل ولما خالفوا الرسل وخالفوا الكتب الإلهية سلط الله عليهم الشيطان كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا نتيجة إعراضهم عن الرسل والكتب وأخذهم لأهوائهم عقولهم سلط الله عليهم الشيطان فأضلهم وقادهم وأغواهم. ثم ذكر هنا أن الشيطان الذي أغواهم في الدنيا وقادهم إلى الإلحاد والكفر يتبرأ منهم يوم القيامة إذا دخل هو وإياهم النار فإنه يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر وحبس الله الخلائق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Donc on va traduire jusqu'ici, après on continue inshallah. Le cheikh il explique que lorsque le shaitan le cheikh il explique que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans qu'est-ce qui a précédé, il a mentionné que les extrémistes parmi les soufis et les philosophes sont tombés dans ce dans quoi ils sont tombés comme déviation, comme mécréance à cause de leur contradiction des messagers. Et lorsqu'ils ont contredit les messagers et qu'ils ont contredit les livres divins, les livres révélés, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le shaitan contre eux. Hein? Il a mis le shaitan sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le verset 36 et 37. Dans Surat Az-Zukhruf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et quiconque se détourne du rappel de du tout miséricordieux Ar-Rahman, nous lui assignons un shaitan, on lui assigne un shaitan qui devient son compagnon inséparable et il les obstrue du chemin d'Allah, il leur empêche de prendre le chemin d'Allah hein, et eux ils pensent malgré tout qu'ils sont bien guidés. Donc le cheikh dit ça c'est le résultat de se détourner des messagers et des livres que Allah a révélés et de prendre comme guide les passions et la raison qui est déviée hein, la raison qui est déformée et l'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis le shaitan, a donné au shaitan le pouvoir sur eux et il les a donc égarés et les a guidés vers le mauvais chemin et les a fait dévier. Et il mentionne ici comment il les a fait dévier dans cette dunya et comment il les a guidés vers la déviation et la mécréance et comment au jour de la résurrection il va se désavouer d'eux hein, une fois que les gens une fois qu'ils seront entrés en enfer avec eux, c'est-à-dire le shaitan va rentrer en enfer avec les kuffars et les mushrikin, et à ce moment-là, il va se désavouer d'eux. Hein? Et le shaitan, comme Allah il mentionne, il dit ce qui signifie, Et le shaitan leur dira, lorsque l'affaire aura été décidée, lorsqu'il y aura eu le jugement, Allah aura jugé les créatures, et les gens du paradis seront rentrés au paradis, et les gens de l'enfer seront rentrés en enfer. Le shaitan va parler avec les gens de l'enfer, et il va leur dire, certes, Allah vous avait fait la promesse de vérité. Et moi je vous ai fait une promesse et j'ai contredit, trahi ma promesse, j'ai manqué à ma promesse. Et il dit ensuite, بين لهم أنه هو الذي أخلفهم عن وعد الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم وإعراضهم والشيطان إنما يتسلط على هؤلاء وأمثالهم أما العباد المخلصون فإنه لا سلطان له عليهم والشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا الله أخلصوا لله عز وجل فهو يصرح يصرح بهذا في النار من أجل أن يحسرهم ويزيدهم من الحسرة والندامة والعياذ بالله ووعدتكم فأخلفتكم. Donc il dit ensuite, et le shaitan leur explique que c'est lui qui leur a fait, c'est lui qui leur a manqué, c'est lui qui a manqué à leurs promesses et qui les a trompés, qui les a trompés de la promesse d'Allah, qui leur a fait perdre la promesse d'Allah. Et à cause de leur péché et de leur détournement du droit chemin. Et le shaitan peut uniquement avoir le pouvoir sur des gens comme eux et leurs semblables. Tandis que les serviteurs pieux et sincères, le shaitan ne peut avoir aucun pouvoir sur eux. Il dit dans le verset 42 dans Surat al-Hijr, ce qui signifie « Mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. » Mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. » Et le shaitan, il dit lui-même, dans le verset 40, dans Surat al-Hijr, « Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. » Il dit, « Par Allah, je vais les égarer tous, excepté tes serviteurs purs et sincères, qui sont consacrés à toi et qui sont sincères, qui ont été sincères envers Allah. » Et il leur dit cela alors qu'ils sont dans l'enfer. Pourquoi le shaitan dit cela à ces gens-là une fois qu'ils sont dans l'enfer avec, qu'il est dans l'enfer avec eux? Pourquoi il leur dit ça? C'est parce qu'il veut leur rajouter des remords, et il veut ajouter à leur châtiment et à leur désespoir, et aussi ajouter à leur regret. Donc il dit, je vous ai promis et j'ai manqué. Je vous ai fait manquer la promesse d'Allah. Et j'ai manqué à la promesse. Et il dit, ثم إنه بين لهم أنه ما أجبرهم ولا له عليهم سلطة إجبارية وما له عليهم سلطة إجبارية وإنما هم الذين اتبعوه باختيارهم وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان يعني من حجة من إجبار من أو قهر وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا تلوموني على ما فعلت بكم لأني لم أجبركم بل لوموا أنفسكم لأنكم انقدتم لي إن قدتم لي بدون إجبار وبدون سلطة. Donc il dit le cheikh ensuite que ensuite il leur a expliqué que il les a pas forcés de faire aucun péché, il les a pas forcés de faire le shirk, il les a pas forcés de faire le kufr, il les a pas forcés de faire les péchés. Il leur a dit, j'avais aucun pouvoir sur vous de vous contraindre à faire quoi que ce soit, mais c'est uniquement vous qui avez voulu me suivre par votre propre choix, de votre plein gré et par votre propre décision. Et donc moi, il dit, moi je n'avais sur vous aucune autorité, aucun pouvoir. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ C'est-à-dire, j'avais aucune preuve, aucune force, aucun pouvoir de vous contraindre. Et il dit, la seule chose que j'ai fait, je vous ai invité, je vous ai appelé et vous avez répondu à mon appel. Alors, ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Parce que c'est vous qui vous êtes soumis à moi. Shaitan, il leur dit, vous êtes soumis à moi sans que je vous y ai forcé et sans avoir aucune autorité. Et il dit, thumma qal ma ana bimusrikhikum ay murithikum mimma antum fihi wa munjikum mimma antum fihi wama antum bimusrikhiyya ايضا ما انتم بمنقذيه ومناصريه مما انا فيه اني كفرت بما اشركتمون من قبل يعني كفر بما فعلوه في الدنيا بسببه يعني فكفر بهذا وقطع العلاقه بينه وبينهم وهذا مصيرهم يوم القيامه وهذا مصير كل من أعرض عن الكتاب والسنة واتبع الشيطان ومنهم الصوفية الذين تركوا الكتاب والسنة وذهبوا مع الشيطان سيكون مصيرهم هذا إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام هذه عاقبة من اتبع الرسل جنات تجري من تحتها الأنهار وأيضا خالدين فيها لا يخافون أن تؤخذ منهم أو يؤخذون منها وهي لهم دائما هذه نتيجة الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر ولكن هذا يحتاج إلى صبر ولا يأتي عفوا في الدنيا يحتاج إلى صبر وثبات ويحتاج إلى علم ومعرفة لا يأتي عفوا هكذا بدون تعب وبدون معرفة وبدون ثبات وصبر ولهذا تقول الملائكة لهم سلام عليكم بما صبرتم ما نالوا هذا الشيء بالعفو والسهولة وإنما قاسوا وصبروا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فالحاصل أن هذا مصير هؤلاء وأمثالهم ممن خالفوا الرسل وخالفوا الكتب وأخذوا بعقولهم وأهوائهم وقادتهم الشياطين الإنس والجن إلى هذا المصير المؤلم الذي لا نجاة منه يوم القيامة. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit que le shaitan il dit par la suite, je ne peux pas vous sauver, c'est pas moi qui va vous délivrer maintenant. Et je peux pas vous sauver de ce dans quoi vous êtes comme châtiment. Et vous ne pouvez pas non plus me sauver non plus et venir à mon secours de ce que je suis, du châtiment dans lequel je suis. Il dit, je renie ce que vous m'avez associé, ce dans quoi vous m'avez associé auparavant. C'est-à-dire, le fait que ils ont commis du kufr et du shirk à cause de lui dans la dunya. Ils renient ça maintenant. Hein? Et ils coupent toute relation entre lui et eux. Et ça, c'est donc leur destination et leur conclusion, le jour de la résurrection. C'est la destination de toute personne et la conclusion de toute personne qui s'est détournée du livre d'Allah et de la Sunna et qui a suivi le shaitan. Et parmi eux, les soufis, hein, ceux qui ont abandonné le Coran et la Sunna et qui ont été avec le shaitan. Et ils auront cette destination-là eux aussi. Comme il dit, et je renie, hein, je rejette ce dans quoi vous m'aviez associé auparavant. Et certes, les injustes auront un châtiment douloureux. Et il dit, et on fera rentrer ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Par la permission de leur Seigneur, et leur salutation dans ces jardins sera paix, hein, salam. Et il dit, donc ça c'est la conclusion de ceux qui ont suivi les messagers, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, hein, et également ils y demeureront éternellement, hein. En plus de ça, ils y sont éternellement. Personne ne va les faire sortir, hein, et personne, hein, yani, la yakhafoun, hein, ils n'ont pas peur que quelqu'un vienne les prendre ou qu'on leur enlève ce plaisir ou cette récompense. C'est pas comme dans cette vie d'ici-bas, par exemple, des fois, hein, si quelqu'un, par exemple, je sais pas, on le laisse entrer quelque part, hein, on le laisse entrer quelque part, et puis après quelque temps, tu vois, il est bien, il rentre, il est content, et puis après quelque temps, on vient puis on lui dit, ah, lui, il est rentré par erreur, hein, il doit sortir. Ou bien, ah, lui, il est pas, on s'est trompé, on l'a laissé rentrer, mais il doit sortir maintenant. Donc ils viennent te chercher, puis ils disent, allez, sors. Eh bien, dans le paradis, non. Une fois que tu es rentré, t'as pas peur que quelqu'un vienne te dire, tu dois sortir. C'est éternel, pour toujours. Hein? Tu restes là-bas pour toujours. Et il dit, hiya da'iman, hiya lahum da'iman. Donc c'est pour toujours, c'est tout le temps, permanent, éternel. Et c'est le résultat de leur foi en Allah, la foi en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Il dit, mais par contre ça nécessite de la patience. Ça nécessite de l'endurance. Ça ne vient pas comme ça, hein, dans la dunya facilement, sans effort. Non. Ça demande de la patience, ça demande de la fermeté, et ça demande de la connaissance et du savoir, hein. Et donc ça vient pas toute seule comme ça, hein. Ça vient avec de la fatigue, ça vient avec du savoir, ça vient avec de la patience, ça vient avec de la fermeté. Et c'est pour ça que les anges, ils disent, hein, lorsqu'ils rentrent au paradis, salamun alaykum bima sabartum, hein, paix sur vous à cause de ce que vous avez enduré dans cette vie d'ici-bas. Hein, donc ils n'ont pas reçu ça comme ça facilement, avec le repos et la facilité. Non, ils ont subi des difficultés et ils ont eu des choses difficiles à vivre. Et ils ont été, hein, patients et ils ont enduré. Et donc, à cause de ça, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte qu'ils sont accueillis par des salutations de paix. Et on leur dit, entrez, hein, paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré. Et il dit, fani'ma 'uqba ad-dar. Comme elle est belle, cette récompense, hein, cette demeure, hein, terminale, cette demeure finale pour les croyants. Et c'est ça ce qui arrive donc à ceux-là et à ceux qui leur ressemblent parmi ceux qui ont contredit les messagers. ils ont contredit les messagers, ils ont contredit les livres, hein, et ils se sont basés sur leur raison, sur leur passion, et les diables parmi les hommes et parmi les djinns les ont amenés vers cette destination douloureuse, hein, dans laquelle il n'y a pas de salut pour eux au jour de la résurrection. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les versets ici que le cheikh a mentionné pour montrer que la conclusion des awliya du shaitan, elle est différente de la conclusion des awliya de Ar-Rahman. Donc non seulement ils sont différents dans leurs caractéristiques dans la vie, mais ils sont aussi différents dans leur direction et dans leur conclusion et dans leur finalité et comment ils vont terminer, hein. Ils sont différents sur tous les plans. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera demain la suite de ces versets, l'explication de ces versets là et inshallah. Donc c'est des versets qui sont vraiment importants et qui sont bons pour augmenter la foi des croyants et les encourager à faire plus d'efforts et à rester patients et endurants dans la vérité et à se méfier des ruses du shaitan, hein, pour éviter, hein, de se faire égarer par le shaitan. Yani. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.